le gouverneur Vincent Gadou. Je suis fatigué de tous ces présidios, ils ne font que se foutre du peuple. Ils vont tous partir. Heureusement, ils vont tous partir. Je te dis heureusement, wow, wow. Ils vont tous partir. Sans le pouvoir, ils vont tous partir. Ça doit rester. Ils vont tous partir. Je suis fatigué de tous ces golaos, elles sont là quand ça va chez toi. Elles vont toutes partir. Heureusement, elles vont toutes frayage. Je te dis heureusement, wow, wow. Elles vont toutes partir. Elles sont nos mamans. Elles vont toutes partir. On les aime comme ça, gars. Elles vont toutes partir. On le fait quand on est prêt. N'arrangeons pas certains et futrés d'autres. Plaît goûter un petit respect pour les âgés. Un jour, tu peux vieillir aussi. Donc, respectons-les. Elles sont là quand ça va chez toi. Mais jamais quand ça ne va pas. Aïe, wa wa wa wa wa. Aïe, wa wa. Aïe, wa wa. Partagez-en walo, un fort tous les, partagez-en walo.